Il y a de jolies fleurs, des plantes d'intérieur et des montants fer forgés. Et derrière un paravent, en attendant le printemps, les transats sont très bien rangés. L'appartement d'en face, il y a une terrasse et les sièges d'apparat se demandent ce qu'ils font là. La la la la la la la la la la la la la la, ils sont tellement tout seuls, ils en feraient presque la gueule. Quelques pieds de tomates rouges écarlates et une vieille machine à laver. On exploite consciencieusement le plus petit retranchement, le moindre petit mètre carré. L'appartement d'en face, il n'y a plus de place. Et sur un long fil de pêche, le linge propre sèche. La la la la la la la la la la la la la la. Un long fil de nylon, quelques culottes en coton, repliées là dans un coin. La mini table de jardin ne sert rarement que l'été. Le barbecue quelquefois amène jusque chez moi l'odeur du bœuf et du porc grillé. L'appartement d'en face, un cuisinier bugnasse se bat avec ses braises pour faire cuire ses merguez. La la la la la la la la la la la la la la. Il habite au premier étage et emmerde tout le voisinage. Il arrive qu'il regarde, appuyé sur la rambarde, le guitariste en train de jouer. Alors ensemble on rigole, quand il me manque des paroles, il me propose des couplets. L'appartement d'en face, quelqu'un joue de la contrebasse, avec qui j'écris des chansons, chacun sur son balcon. Dans l'appartement d'en face, je bois un jus d'ananas. Je déteste ces trucs-là, mais il n'avait plus que ça. La la la la la la la la la la la la la la. D'ailleurs, j'aurais préféré de la vodka.